Chapitre 15e. Sotchi, résidence présidentielle, mi-janvier. De retour à Moscou, Leonov fut pris en charge par Koslov, qui avait pour mission d'accompagner le théoricien près de Sotchi, dans le Caucase occidental, où l'attendait le président Popov. La résidence Botcharov-Routchey, où Vladimir Popov recevait ses hôtes de marque, était le Camp David russe. Le ruisseau Botcharov se trouvait à 1500 km de Moscou. Situé au bord de la mer Noire, cette propriété était depuis l'ère soviétique un lieu de villégiature officielle et de travail à la disposition des maîtres du Kremlin. Construite entre 1953 et 1955, elle remplaça la résidence du Bosquet Vert, Zelenaïa Rocha, sise à quelques kilomètres de là. Cette demeure était pourtant un petit bijou planté d'essence tropicale rare. Comme elle avait été le lieu de séjour favori de Staline, lorsqu'il revenait dans son Caucase natal, elle fut abandonnée. C'était pour les successeurs du petit père des peuples une façon de montrer leur rupture avec le règne brutal du Géorgien natif des montagnes de Gori. La villa, située près d'un pittoresque ruisseau, surplombait majestueusement la station balnéaire de Sotchi, perle de la Russie dans une région appréciée pour la beauté de ses paysages et la douceur de son climat. Avant la révolution bolchevique de 1917, les terres sur lesquelles s'élèvera la résidence Botcharov-Routchey appartenaient à la haute noblesse russe. Elles eurent des suzerains prestigieux, comme le duc Félix Youssopov ou le comte Soumarokov. Collectivisées en 1919, elles servirent d'abord de lieu d'implantation à un sanatorium pour les membres du Politburo. Le domaine se composait d'une maison robuste se dressant au cœur d'un grand parc aux allées plantées de palmiers. Le balcon livrait un point de vue exceptionnel sur les rivages de la mer Noire. La datcha de deux étages était construite dans le plus pur style stalinien. De solides murs immaculés enserraient les linteaux de larges baies vitrées. Si l'aspect extérieur était resté inchangé depuis sa construction, en revanche, l'intérieur avait subi, au fil des ans, de nombreuses modifications pour assurer tout le confort à ses hôtes illustres. Outre le bureau présidentiel, avait été aménagé un salon spacieux, des chambres à coucher pour les invités de marque, une salle de projection privée. C'est dans ces lieux que Léonid Brejnev, souffrant, vint passer les dernières années de son existence, loin des tumultes et du brouhaha de la vie moscovite. Toutefois, ce fut réellement Boris Nikolaïevitch Lomakin, premier président de la Nouvelle-Russie, qui lui conféra un rôle de résidence officielle, un Castel Gandolfo, où il ne pleuvait que du champagne et de la vodka, avait dit, non sans humour, un premier ministre italien, faisant allusion au goût prononcé de son hôte pour l'alcool. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Popov s'y rendait plusieurs fois par an. Sportif, il profitait de ses rares moments de répit pour nager en enchaînant les longueurs de bassin à la fraîcheur revigorante de l'aube ou pour monter skier dans le domaine olympique de Krasnaya Poliana. Avant lui, les filles de son prédécesseur, les sœurs Lomakina, Daria et Tania, s'adonnaient à leur passion du tennis en invitant, aux frais de l'État, les plus grandes stars de la discipline. Près des cours en terre battue étaient installés un terrain de volley et une piscine. En dévalant la pente douce qui allait à la mer, on accédait au ponton. C'est là qu'était amarré le bateau présidentiel, le Caucase. Popov avait très vite fait construire un héliport afin de pouvoir aller et venir à sa guise et avec célérité. Travailleur infatigable, Vladimir Vladimirovitch Popov recevait là les notables de la Crimée réintégrés à la mère patrie, ainsi que les dignitaires des républiques autonomes du Caucase, loyaux au pouvoir central de Moscou. La Pax Popova régnait enfin sur ces zones tribales et conflictuelles. Les potentats locaux étaient soutenus grâce à la manne pétrolière. On fermait les yeux sur leurs méthodes, pour peu qu'ils tiennent en respect les rebelles islamistes qui infestaient toujours leurs montagnes. Tchétchénie, Daghestan, Kabardino-Balkarie ou Ingouchie, toutes ces poudrières potentielles demeuraient sous contrôle au prix de mort dans une guérilla qui ne disait pas son nom. Pour Popov, les résultats seuls comptaient. Les résultats et les symboles, disait-il. À cette fin, le site olympique de Krasnaya Poliana avait été bâti sur l'emplacement où 150 ans plus tôt, le 21 mai 1864, les troupes impériales russes avaient mis un terme aux guerres du Caucase. La voiture qui amenait Koslov et Leonov pénétra dans le parc de la luxueuse résidence Botcharov-Routchey. C'est Leonid Kikov, le chroniqueur, à la démarche boitillante, qui les reçut. Il demanda aux deux hommes de le suivre en s'excusant de ne pouvoir presser le pas. Ils traversèrent une pièce conçue sur des plans de la conservatrice en chef du musée pétersbourgeois de l'Ermitage. Kikoff expliqua que cette salle à manger avait été voulue par le président après une réception en France au palais de l'Élysée. Il raconta que suite à un repas donné en son honneur dans l'ancienne salle de bal de l'empereur Napoléon III, Popov avait eu envie d'aménager un lieu décalé de ce type dans la vieille datcha soviétique. Il avait fait réunir deux pièces plus petites dans l'agencement d'origine pour construire cette salle baptisée le salon Alexandre Ier. Située au-dessus de la cuisine et de la cave, elle facilitait l'arrivée des aliments par des passe-plats à vérin hydraulique habilement masqués par un miroir sans tain. Le personnel de service étant réduit, cela minimisait les indiscrétions lors de conversations se tenant en petit comité. De lourds rideaux de velours rouge frappés des armoiries de la Russie impériale isolaient de la salle à manger les pièces qui servaient d'arrière-cuisine. Arrivé au lieu de rendez-vous indiqué, le chroniqueur prit congé de Kosloff et Léonov. Un majordome les pria de s'asseoir. Ils s'exécutèrent, ils attendirent. Peu de temps après, le président Popov fit son apparition dans le salon. Il s'avança vers Kosloff et Léonov, auxquels, en guise d'accueil, il donna une poignée de main virile, accompagnée d'un « à la bonne heure, vous êtes là ». Kosloff nota le double sens qu'avait « à la bonne heure » dans la bouche de Vladimir Popov. « Quel bonheur que vous soyez là, mais aussi quel plaisir que vous soyez ici, à la bonne heure ». Il y avait toute la duplicité de Popov dans cette formule qui n'échappa pas à l'analyse de Kosloff. L'appariteur revint proposer ses boissons. Kosloff demanda une gazirovnaïa voda, une eau gazeuse agrémentée d'une toute petite rondelle de citron. Léonov commanda une bière. « Je sais que Sacha aime l'eau pétillante, et toi, Vitya, comme moi, tu es amateur de bière. » En appelant Victor Léonov par son diminutif Vitya et Alexandre Kosloff par son sobriquet Sacha, le président Vladimir Popov ne voulait pas dissocier celui qui avait inspiré le rapport et celui qu'il avait rédigé. Pour lui, l'auteur du fond, Léonov, et l'auteur de la forme, Kosloff, méritaient la même attention. C'est la raison pour laquelle il tenait à rencontrer Léonov, le théoricien. Alors que Popov prit une Baltica, brassée à Saint-Pétersbourg, Vitya choisit une Sibirskaya Corona. Cette opposition gustative entre région centrale et Sibérie n'échappa pas à Léonov Kikoff, qui, installé à sa table de travail, s'apprêtait à rédiger la chronique de cet échange sans doute historique. Il se demanda un instant si cette différence de goût ne laissait pas présager une autre opposition. Vladimir Popov, cher Vitya, d'après notre camarade Sacha, ton séjour en France t'a permis d'affiner tes théories au point de t'amener à t'émanciper des analyses de Gumilev, Savitsky, Dugin, éminent penseur de l'école doctorale eurasiste à laquelle tu appartiens ou tu appartenais. Victor Léonov, monsieur le président, Gumilev et Savitsky sont des références. Ils sont morts, paix à leur âme. Dugin a nourri mes premières réflexions. Je le tiens pour un maître et non pour un baudor. Je pense que son projet eurasiste a une faiblesse congénitale. Il propose un cadre sans la toile. J'ai tenté d'y remédier. Popov, as-tu réussi ? Léonov, j'ai peut-être trouvé la peinture à mettre dans le cadre. Popov, surpris. Bien pour la métaphore. Il se tourne vers Kosloff pour observer sa réaction. Ne décelant aucun signe, il engage de la main droite Vitya à poursuivre. Léonov. Pour Dugin, l'eurasisme est du même ordre que le capitalisme, le fascisme et le communisme. C'est une théorie politique appelée à supplanter les trois autres. Cette vision me semble partiellement erronée. Popov. Ah oui, et en quoi ? Léonov. L'eurasisme est un espace géographique en passe de devenir une donnée géopolitique. Ce n'est pas une idéologie. Popov. Je ne saisis pas la nuance. Léonov. En termes de priorité de notre action, considérer le capitalisme comme le premier adversaire est une erreur. En tant que système de production, le capitalisme a montré, et bien mieux que le communisme d'ailleurs, qu'il était un efficace outil de développement des sociétés humaines. Pour moi, le système politique qu'il faut combattre en priorité, c'est la démocratie à l'anglo-saxonne. Elle est certes portée par le capitalisme, comme l'écume par la mer, mais ne s'y résume pas. Au XIXe siècle, les bourgeois étaient paternalistes, quoi qu'en ait dit Marx. Ils géraient en fonction de leurs intérêts, mais en ménageant la main-d'œuvre qui ne pouvait être que locale. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, la délocalisation est possible. Toujours en recherche de profit, les classes dirigeantes s'adaptent aux nouvelles données du marché. Elles internationalisent leurs moyens de production, outils et ouvriers. Elles s'inventent des raisons humanistes pour cautionner leurs démarches. Leur matraquage idéologique n'est plus en périphérie du corps social, il est au centre. Les grands possédants sont devenus idéologues. Ceux qui contrôlent la planète ne le font plus seulement par le pouvoir, par l'argent ou par la force armée. Ils imposent un mode de pensée et d'organisation sociale aussi exclusif et intolérant que dans n'importe quel régime totalitaire. Vladimir Popov. Cette idéologie libérale et mondialiste à l'anglo-saxonne n'a vraiment rien d'une démocratie. À mon sens, dans une démocratie, le fait majoritaire et l'intérêt général l'emportent. Victor Leonov. Je vous l'accorde, monsieur le président. Ce n'est pas le cas dans cette démocratie factice. Les minorités dominent et arrachent des droits spécifiques à la majorité, non pas silencieuse, mais réduite au silence. Dans ce système, l'homme n'est pas un individu capable de penser l'universel. Son rôle social est de faire progresser des intérêts communautaristes face à une majorité dénoncée comme conservatrice et oppressive. Popov, opinion du chef, à 3 ou 4 reprises pour marquer son approbation. Entièrement d'accord avec toi, camarade. Leonov, fort de cet assentiment. Dans mes recherches, je regroupe les 2e et 3e théories politiques de Dugin pour les élargir aux idéologies prométhéennes, que celles-ci soient laïques, telles le fascisme et le communisme, qu'elles soient mystiques, comme l'islamisme, ou tout autre type de fondamentalisme religieux. La faiblesse de la démocratie anglo-saxonne, mais de toutes les démocraties, comme le signalent Polybe et Machiavel, c'est qu'en tolérant les déviances, elle hâte la fin de sa civilisation. Au travers de la liberté de pensée et du droit d'expression, elle nourrit les forces qui veulent la détruire. Pire, au moment critique, ce sont les démocrates qui se jettent dans la gueule du loup et offrent les clés de leur destin à leurs bourreaux. Rappelons-nous l'histoire. C'est le centre catholique de Van Papen qui donne le pouvoir aux nazis de peur de voir le communisme se renforcer en Allemagne. Chez nous, c'est Kerensky qui laissa le champ libre aux bolcheviks. Il prit la fuite, déguisé en matelot. Les démocrates sont faibles. Ils ne savent pas pratiquer une logique d'intolérance, quand cela s'avère nécessaire. Ils finissent toujours par se faire dévorer par la bête qui lève la tête. Vladimir Popov. Oui, je connais la théorie de Churchill. Un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera mangé le dernier. En revanche, qu'est-ce que cette logique d'intolérance? Victor Leonov. Elle varie selon les individus. Il y a ceux qui pensent qu'il faut tout tolérer, même l'intolérable, ce sont les démocrates. Il y a ceux qui croient qu'un monde meilleur est possible si on se débarrasse de gré ou de force d'un certain nombre d'éléments indésirables. Je les appelle prométhéens. Ils ont un esprit totalitaire. Enfin, il y a ceux qui pensent que la liberté de l'un, c'est cela où commence celle d'autrui, et que l'on ne doit accepter que ce qui ne contredit ni le bon sens, ni la bonne marche de la société. Ce sont les républicains. Vladimir Popov. Républicains contre démocrates et Tea Party, en somme, comme aux États-Unis. Victor Leonov. Non, monsieur le président. Les Américains sont tous d'incurables démocrates anglo-saxons, matinés d'une once de puritanisme, de libéralisme ou de messianisme. En Italie, il existe un mot pour qualifier ce qui se passe au sein de certaines démocraties occidentales, le transformisme. Ce terme désigne les combinaisons, les tractations politiques pour reconstituer les alliances de circonstances et se partager les portefeuilles ministériels. Ce transformisme a des racines presque aussi lointaines que l'unification de l'Italie elle-même. En 1852, le connubio fut l'alliance entre le centre-droit et le centre-gauche. Ce rapprochement se fit sous l'égide de Cavour, le premier président du Conseil italien. C'est ce transformisme qui a gangréné le parlementarisme transalpin au début des années 1920. Il a mené à la marche triomphale des fascistes sur Rome. Popov, opinion du chef, Leonov, votre parti, le KD, le Parti constitutionnel démocratique, au regard de la philosophie politique, peut être considéré comme réellement républicain. Il travaille à réunir tous les Russes dans le cadre du nécessaire dialogue interculturel. Il défend notre spécificité nationale. Il opère la fusion des modérés sur une logique de salut public et non à partir de petits arrangements. Que demander de plus? Vladimir Popov. En somme, si je te suis bien, la troisième voie que tu décris est le républicanisme. Victor Leonov. Non, puisque le républicanisme, comme le racisme, est un cadre, pas une idéologie. Ce que je décris touche à l'essence, à l'être du citoyen. Si je peux me permettre une comparaison, dans une basse-cour, le coq serait le républicain et le chapon serait le démocrate. Dans un État, mieux vaut des républicains que des démocrates. Je ne dis pas autre chose. Laissez-moi vous raconter une histoire qui fera office de parabole pour conclure sur ce point. Popov, arquant le sourcil. « Vais-je comprendre le message ?» Léonov. « Aucun souci, monsieur le président. L'un de mes amis de Sébastopol me racontait un jour cette histoire. À quoi reconnaît-on un Ukrainien dans un combat de coq ? Au fait qu'il apporte un canard. À quoi reconnaît-on un Polonais dans ce combat de coq ? Au fait qu'il mise sur le canard. Et à quoi reconnaît-on que c'est un Caucasien qui a organisé le combat de coq ? Au fait que c'est le canard qui gagne. » Vladimir Popov, éclatant d'un rire franc. « Excellent !» Il se tape sur les cuisses. « Je vois que les Russes ont le beau rôle. Je comprends mieux pourquoi le terme républicanisme ne couvre pas la réalité de ce que tu décris. Quel serait le terme approprié ?» Victor Léonov. « À mon avis, la troisième théorie politique qui doit donner une âme au républicanisme russe afin de bâtir l'Eurasie comme nouveau barycentre mondial doit être une idéologie en elle-même. Pour ma part, et après mûre réflexion, je l'appelle le justicialisme. » Koslov dépose son verre d'eau gazeuse. Il esquisse un geste pour prendre la parole. Alexandre Koslov. Le justiciable, c'est l'autre nom du fascisme argentin, non, celui de Perón. Victor Léonov. À l'origine, en effet, il y avait un cousinage, mais tout autant avec le fascisme qu'avec la révolution prolétarienne. Le républicanisme, parce qu'il n'est pas faible, n'est pas tendre. Mais sa différence fondamentale, c'est qu'il ne désigne pas de bouc émissaire ou de catégorie à éliminer. Moi, je reviens aux bases pouvant être celles de n'importe quel mouvement socialiste ou républicain. En 1951, Perón disait « Nous, les justicialistes, nous brandissons les trois étendards les plus importants, l'indépendance économique, la justice sociale, la souveraineté nationale. » Alexandre Koslov. « Pas grand-chose à redire là-dessus. » Victor Léonov. « Le justicialisme est foncièrement républicain. Son idéal de justice sociale ne peut s'accommoder d'autres régimes. Pour moi, l'État justicialiste peut être défini comme une démocratie parlementaire présidentielle, populaire, fédérale et nationale. » Il regarde successivement ses deux interlocuteurs. « Reconnaissez, messieurs, que c'est ce que devient la Russie. » Il fixe alors Popov. « Depuis votre élection, monsieur le président. Le cas des faits du justicialisme, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. » Vladimir Popov, s'amusant. Et pourtant, l'opposition nous rabâche continuellement que le cadet est le parti godillot de la majorité présidentielle. Victor Léonov, tout à fait. C'est la raison pour laquelle il faut matérialiser une idéologie qui justifie les actes et les décisions. Sachez que les doctrines ne s'enseignent pas, elles s'inculquent. On ne saurait les imposer sans une volonté farouche et un enthousiasme débordant. Président, vous n'êtes ni un autocrate ni un dictateur, vous êtes un élu. La voie du juste milieu qui est la vôtre est une voie justicialiste. Popov. Que suggères-tu, camarade ? Léonov. Pour obtenir la paix intérieure, disait Perón, il faut travailler à supprimer les extrémismes capitalistes et totalitaires, de droite ou de gauche. Pour le parti au pouvoir, la base de cette action est un programme politique, économique et social adéquat. L'éducation des individus doit tendre à élever le niveau culturel de la nation, à donner de la dignité au travail, à humaniser le capital et surtout à développer la solidarité nationale. Dans un régime capitaliste, l'homme est exploité par l'homme. Dans un système communiste ou fasciste, l'homme est exploité par l'État. Dans le justicialisme, l'exploitation de l'homme, sous quelque forme qu'elle se présente, est toujours un crime puni par la loi. Nous devons rechercher la libération de l'homme par sa perfection comme entité humaine. Alexandre Koslov à Léonov. Ne prônes-tu pas l'individualisme ? Victor Léonov. Au contraire, la recherche de la perfection individuelle conforte une société. Vouloir que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme est un objectif humaniste. Il est une protection contre tout dérapage. Mais cette idéologie ne peut avoir d'impact que si elle est compatible avec la structure du corps social dans lequel elle s'enracine. Vladimir Popov, qui désire intervenir. Intéressante et utile cette idée de donner à la Russie une marque de fabrique humaniste. Tu as raison, elle peut être un élément fédérateur dans ce monde en perdition. Nous sentons tous que l'Occident est à son crépuscule. Seules les idéologies obscurantistes proposent un autre chemin. Face à cette vision barbare, les gens s'accrochent au système actuel tant qu'ils ne croient pas qu'un autre soit possible. Alexandre Koslov. Nous avons les ressources pour incarner cette alternative, le projet eurasien, n'est-ce pas ? Victor Léonov. Oui. La Russie doit s'ériger en laboratoire de l'Eurasie, mais pour une raison autre que géographique. En tant que vaste fédération multiethnique, elle représente en soi une Eurasie en miniature. Vladimir Popov, enchanté. Tel est bien mon avis. La Russie, en tant que pays eurasiatique, où le dialogue des cultures et des civilisations est permanent, est un symbole vivant que l'harmonie des différences est possible. Nous devons jouer un rôle matriciel. Léonov. Oui, mais si vous me permettez, messieurs, il ne faut pas donner l'impression que l'on veut reconstituer l'URSS ou agir de façon impérialiste. Popov. Dis ce que tu penses, camarade. Léonov. L'Union eurasiatique, du moins telle qu'elle a commencé à se mettre en place, ressemble à une mauvaise réplique de l'Union européenne. Le sentiment qui domine est que la Russie est un pays européen, mais que lorsqu'elle joue les amantes et conduites, elle se contente de fermer sa fenêtre sur l'Europe pour ouvrir un temps celle qui donne sur l'Asie. Popov, que proposes-tu? Léonov, il faut opérer un basculement vers l'Asie, le temps de bâtir une puissance alternative sur le trépied Russie-Chine-Inde. Si nous réussissons cela, nous verrons l'Occident s'écrouler. Il ne tient que sur le mur fantasmatique du monde que nous sommes censés représenter. Sans nous, ils tomberont. À ce moment-là, nous pourrons reconstruire une Europe. Pour l'heure, la locomotive est à Washington et nous sommes le wagon de queue dont on veut se débarrasser. Dans une nouvelle configuration, nous pouvons être la composante blanche et européenne de la nouvelle Troïka qui guidera le monde. Alexandre Kozlov. Les autres peuples, slaves d'abord, mais européens ensuite, préféreront survivre à nos côtés. Ils redouteront d'être submergés par les invasions islamiques venues de l'autre côté de la Méditerranée et d'être balayés culturellement, voire démographiquement, en moins de 2 générations. Popov. La Russie est un État européen et asiatique. Nous rendons son dû au pragmatisme européen tout autant qu'à la sagesse orientale. Je continuerai donc à mener une politique étrangère équilibrée. La Russie doit prendre appui sur ses 2 jambes, l'européenne et l'asiatique. Kozlov, insistant. Si vous me permettez, monsieur le président, ce qui est intéressant dans cette théorie du balancement à l'Est, c'est que la Chine et l'Inde partagent nos analyses. La souveraineté nationale, au Tibet, au Cachemire ou au Tokaristan, ne saurait être l'objet de je ne sais quelle ingérence pseudo-humanitaire. L'Europe en crise, qui nous méprise, ne comprend pas qu'elle ne produit plus rien, à part des retraités et des chômeurs. Très rapidement, elle se fera exclure des grands circuits commerciaux. Elle perdra tout pouvoir d'influence dans les affaires du monde. En revanche, je pense que nous devons contrer la domination américaine. Elle est plus une lèpre qu'une bénédiction. Victor Léonov, esquissant un sourire de désappointement. Il y a un mur d'incompréhension mutuelle beaucoup plus dur à voir tomber que le mur de Berlin. Tous les événements de notre politique sont observés en Europe jusque dans les moindres détails. Le sens de nos actions échappe totalement à nos cousins de l'Ouest. Alexandre Kozlov. L'Europe voit le corps, elle ne voit pas l'âme de la nation russe. Cette âme, l'âme du peuple russe, demeure une éternelle énigme pour les Européens. Victor Léonov, acquiescent. Nous le ressemblons comme la main gauche à la main droite. La main droite et la main gauche ne peuvent pas se superposer exactement. Il faut en retourner une pour réussir à superposer l'autre. Ce qui est chez eux est chez nous, mais dans l'autre sens. La Russie est l'envers de l'Europe. Pour parler comme Kant, ils sont dans le phénoménal, quand nous sommes dans le transcendant. Pour parler comme Nietzsche, ils sont les adorateurs d'Apollon, nous les enfants de Dionysos. Leur credo, c'est la mesure en toute chose, alors que le nôtre, c'est l'excès. L'excès sublime qui permet le dépassement de tout, même des contingences humaines. Popov appuie sur un bouton situé sur un accoudoir. Vladimir Popov. Là encore, messieurs, je partage vos analyses. J'ai une question cependant. En se tournant vers l'Est, ne risque-t-on pas de se faire dévorer par l'ogre chinois et digérer par l'empire eurasiatique? Victor Léonov, avec assurance. C'est pourquoi il faut inclure l'Inde dans notre simulation. Face à l'un de ces géants, nous risquons de nous satelliser. Avec les 2, nous jouerons le 3e homme, celui qui fait contrepoids. En outre, regarder vers la Sibérie est une nécessité. Avec le réchauffement de la planète, il faut éviter d'offrir un jour aux Chinois la possibilité de nous disputer des terres délaissées. Le majordome s'annonce en frappant 3 coups. Il apporte une Gazirovnaya Voda, une Baltica et une Sibirskaya Corona. Vladimir Popov, avalant une gorgée. Vitya, si tu avais mes cartes en main, comment jouerais-tu? Victor Léonov. Il faut d'abord stabiliser nos frontières à l'ouest. La question ukrainienne est un symbole fort. Il convient de trouver un moyen de ne pas perdre la face devant les germano-américains. Il faut ensuite faire partager le projet eurasiatique à nos partenaires indiens et chinois. La clé, c'est l'économie et la monnaie. Boris, je voulais dire Roman Abramovitch Zidov, est convaincu que c'est le bon angle d'attaque. Il est nécessaire d'avoir une monnaie commune et non unique pour supplanter le dollar et l'euro. Réussir cela, c'est retirer l'arme de la planche à billets à nos adversaires. C'est les condamner à une récession, à des troubles sociaux dans leur pays et au sein de leur alliance. Nous deviendrons alors le cadet de leurs soucis. Il faut enfin des symboles, bâtir une capitale eurasiatique pour la Russie. On peut imaginer que Saint-Pétersbourg sera l'européenne, Moscou la fédérale. Aucun nom ne vient pour la capitale orientale qui permettra en outre de relancer un peuplement de la Sibérie, zone stratégique. Vladimir Popov. Bien, mon cher Vitya, ton idée d'un rapprochement avec la Chine et l'Inde me séduit. J'aimerais que cela se concrétise. Le Kazakh Bakhtiar Tolgaev, qui est président de la commission eurasiatique, doit laisser son poste à un Russe dans 6 mois. Je te propose de lui succéder. Ta fiche de poste, tout autant que ta feuille de route, nous venons de la valider ensemble. Tu auras 4 ans pour tenter de convaincre la Chine et surtout l'Inde de nous rejoindre. Victor Leonov. Merci, monsieur le Président, pour votre proposition. Je l'accepte en espérant être à la hauteur de la tâche que vous me confiez. Vladimir Popov, en jetant un regard appuyé vers Koslov. Je n'ai aucune crainte. Je te salue, Vitya. Nous devons nous revoir pour la première réunion des Volkodlaks. Il prend son vice-premier ministre par le bras, tout en se dirigeant vers la porte du salon pour reconduire Leonov. « Sacha, reste un instant, j'ai besoin d'un renseignement. » L'imposant Leonov, au physique de videur, quitta la pièce. Kikov, au visage poupin et à la démarche claudiquante, lui emboîta le pas, après avoir pris bonne note de l'entretien. Le président retint son vice-premier ministre, car il voulait avoir la confirmation du recrutement des 11 autres Volkodlaks et surtout être assuré que Zidov avait bien rejoint le groupe. Ayant vérifié que rien n'avait bougé depuis leur dernier échange téléphonique, il eut un sourire de soulagement. Ils appartiennent, dit Koslov, à cette catégorie de gens qui cherchent à décrocher la lune, car ils ont la tête dans les étoiles. On va faire du bon travail. Dès que mon emploi du temps va me le permettre, je compte vous regrouper tous les 13 pour une réunion à la tour Saint-Constantin et Sainte-Hélène, conclut le président.